Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouvons Frédéric Bouchard pour la chronique mensuelle sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui. Donc des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et aujourd'hui tu nous fais découvrir Mikhail Lomonosov. Donc Lomonosov, c'est bien celui de la dorsale dans l'océan Arctique, c'est bien ça? Exactement. C'est quelqu'un qui a non seulement contribué à la fondation de l'Université de Moscou, qui porte aujourd'hui son nom, d'ailleurs. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Il a aussi laissé son nom à un cratère sur la Lune et puis, on le disait, à une immense structure géologique qui sépare l'océan Arctique en deux, la dorsale de Lomonosov, dont nous avions parlé, d'ailleurs, à l'émission la saison dernière. Ben oui, c'est ça, je me rappelle. Donc ce Lomonosov qui a donc quand même laissé son nom ici et là, il vient d'où, en fait? Alors, Mikhail Vassilievitch Lomonosov est né en novembre 1711 dans le nord de la Russie, le nord-ouest de la Russie, dans le petit village de Denisovska, qui a été d'ailleurs rebaptisé Lomonosovo en son honneur depuis. Il naît donc dans une famille de Pomori, excusez mon russe qui est peut-être pas au point, de Pomori, des paysans pêcheurs établis le long de la côte de la mer Blanche, c'est-à-dire la frontière entre la Russie et la Finlande, pour se situer. Alors, il vit une enfance pas très facile, on pourrait dire. Il doit accompagner souvent son père en mer pour la pêche, mais il s'intéresse assez rapidement aux livres. Il lit beaucoup. Souvent, il lit toutes sortes d'ouvrages, d'abord des ouvrages religieux, comme c'était le cas souvent à l'époque, mais aussi des ouvrages linguistiques, des ouvrages scientifiques. Bref, il bouffe un peu de n'importe quel... Un curieux qui bouffe n'importe quelle sorte de lecture. D'ailleurs, il lit en cachette de ses parents, surtout de sa belle-mère, qui trouve que ses lectures sont un prétexte, finalement, pour rien faire. Le fainéant, tu lis au lieu d'aller travailler. Voilà. À l'âge de 19 ans, ben, il veut vraiment s'instruire, donc il sait que ça se passera pas dans son petit village. Alors, il part pour Moscou en plein mois de décembre, à la fin 1730, à pied, sans un sou, finalement. Et il arrive un mois plus tard, réussit à s'inscrire à l'Académie Slavo-Gréco-Latine. C'est la première institution d'éducation supérieure en Russie. Et il se fait passer pour s'inscrire là-bas, il se fait passer pour le fils d'un membre du clergé, parce que à l'époque, évidemment, les paysans n'avaient pas accès à l'éducation supérieure. Et durant ses études, qu'il complète en 5 ans au lieu de 8, donc un élève assez remarquable, il apprend d'ailleurs le grec ancien de façon autodidacte lui-même et peut donc lire les philosophes de l'Antiquité dans la version originale. Donc. Et on finit par remarquer ses talents. Lomonosov va être envoyé avec quelques-uns de ses collègues à la fin de son parcours d'étudiant à l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Puis, en Allemagne, pour y étudier officiellement la chimie et la métallurgie, qui sont à l'époque des sciences encore en balbutiement, on pourrait dire. En démarrage, oui. Donc là, il passe de la philosophie à la métallurgie, la chimie. Est-ce que c'est donc à ce moment-là que Lomonosov va forger son profil scientifique? Mais pas juste ça. Il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque. On traverse le siècle des Lumières, grosso modo le 18e siècle, si on pourrait dire. Donc, c'est un siècle durant lequel on tente de s'affranchir des vieilles traditions de l'obscurantisme, surtout religieux à l'époque. Donc, on veut s'affranchir par le développement, la promotion des connaissances. Donc, les sciences, la philosophie, la littérature, les arts, bref, toutes les disciplines vont être appelées à contribuer au progrès humain, le progrès intellectuel de l'être humain. C'est l'époque, finalement, des grandes encyclopédies. Ouais. Pour Lomonosov, pas besoin de faire un choix déchirant sur quelle matière apprendre, finalement. Lui, il se dit, pourquoi se restreindre et ne pas apprendre plusieurs de ces disciplines? C'est la mode à l'époque, d'ailleurs. Alors, sous prétexte d'approfondir ses connaissances en métallurgie, comme on disait, il va s'inscrire à l'école des mines à Freiburg, en Allemagne. Mais, en fait, il va se consacrer de plus en plus à la littérature et à d'autres sciences. Donc, la littérature, plus particulièrement la poésie. Et il en profite pour proposer à cette époque-là une réforme de la langue russe, rien de moins, dans un ouvrage qui s'appelle « Les lettres sur les règles de la versification russe », qui l'accompagne aussi d'un autre ouvrage qui s'intitule « Ode à la gracieuse mémoire de Sa Majesté l'impératrice Anna Ivanovna sur la victoire contre les Turcs et les Tatars ». Les ouvrages, d'ailleurs, à cette époque-là, avaient des titres longs comme ça. Donc, ces textes, comme on peut s'en douter, vont faire grande impression à l'Académie, mais aussi à la cour impératrice. impériale. Ouais. Donc, on a vu, il y a la philosophie, la chimie, la métallurgie, la poésie, la linguistique. Il va, à quoi encore va se consacrer le monosophe? Ben, comme on peut s'en douter, l'homme des Lumières, qui est le monosophe, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein? Après son épisode allemand, il a passé plusieurs années en Allemagne, il va retourner à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg en 1741, où on va le nommer professeur adjoint en physique. Donc, pas si mal à l'âge de 30 ans être professeur en physique. Il publie entre autres un ouvrage intitulé « Méditation du soir », il y avait aussi un autre ouvrage qui s'appelait « Méditation du matin », mais celui-là s'appelait « Méditation du soir sur la grandeur divine à l'occasion des aurores boréales », illustré d'ailleurs par Lomonosov lui-même avec des dessins d'aurores boréales. En fait, ce livre avait été rédigé en prison quelques mois auparavant, car le bouillant savant s'était attiré les foudres des dirigeants de l'Académie de Saint-Pétersbourg, qui l'accusaient, non sans fondement d'ailleurs à cette époque-là, d'être corrompu et arriéré. Mm-hmm. Fait que finalement, il était en chicane ouverte avec la direction de l'Académie. Peut-être qu'il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Non, et puis il a fait de la prison pour ça. Durant la même époque, il rédige plusieurs autres ouvrages, comme par exemple son guide de la rhétorique ou ses réflexions sur la cause de la chaleur et du froid. Il y a d'ailleurs le flair, certains diront la naïveté, mais bref, fin tacticien, il va envoyer certains de ses ouvrages à la nouvelle impératrice de Russie, Élisabeth, qui va le faire d'ailleurs libérer de prison à cause justement de ses talents littéraires. Bref, il écrivait bien, puis quand il faisait de la prison, il envoyait ça à l'impératrice pour se faire libérer de prison par la suite. C'est sa caution. Ben voilà. Il va devenir même le poète officiel de la cour en 1745, et presque au même moment. Donc ça, c'est pour son aspect, je dirais, littérature, et de front, il mène aussi ses travaux en sciences. Presque au même moment, il va obtenir enfin l'autorisation de construire son propre laboratoire de chimie après plusieurs années et demandes infructueuses. Donc, laboratoire dans lequel il va faire d'innombrables expériences en chimie durant de longues années. On pourrait dire que Lomonosov fait flèche de tout bois. Hein. Un exemple ici, quelques mois après qu'un de ses collègues ait été accidentellement tué par la foudre lors d'un violent orage en 1753, il va prononcer son, et j'ouvre les guillemets, discours sur les phénomènes aériens provenant de la force électrique. C'est, disons, un savant touche-à-tout quand même. Hein? Voilà. Et opportuniste peut-être parfois. Ouais. Mais décidément, quand même, la curiosité de Lomonosov ne connaît pas de limite. Quels sont ses projets de retraite, à supposer qu'il ait une retraite, qu'il envisage de se mettre à la retraite? Pas vraiment. Hein? On commence à le voir venir. C'était pas quelqu'un qui avait des projets de retraite nécessairement, mais on pourrait dire deux grands projets d'homme d'âge mûr, mettons, qui vont culminer tous les deux lorsque Lomonosov va être dans la mi-quarantaine. Donc, on est en 1755. Alors, premier projet, après plusieurs années de travail, va enfin paraître son traité de grammaire russe, hein, un immense ouvrage qu'il avait préparé depuis de longues années et qui est le premier du genre dans cette langue dont il va être un ardent défenseur, d'ailleurs. Et là, j'ouvre les guillemets pour le citer à propos de la langue russe, justement. Alors, ouvrez les guillemets. On trouve dans la langue russe la splendeur de l'espagnol, la vivacité du français, la force de l'allemand, la douceur de l'italien, sans compter la richesse et la puissante concision du grec et du latin. Fermez les guillemets. Donc, ardent défenseur de la langue russe, mais aussi le projet qui lui tient, je pourrais dire, le plus à cœur et pour lequel il va être sans doute le plus connu ou le plus reconnu, c'est ce qu'on a parlé en début de chronique, la fondation de l'Université de Moscou, qui porte aujourd'hui son nom et qui demeure la plus prestigieuse en Russie. Pour le contexte, Lomonosov est, à cette époque-là, toujours en conflit, en chicane avec une partie de la direction de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, donc qui est la ville concurrente de Moscou, si on peut dire. Alors, il va plaider activement, on dirait aujourd'hui qu'il va faire du lobbying, selon les termes modernes. Il va plaider activement auprès de l'impératrice, avec qui il entretient une assez bonne relation, comme on a discuté, pour la fondation d'une institution d'enseignement supérieur ouverte à tous, peu importe le statut social et la richesse familiale. Il venait d'une famille pauvre, de paysans pêcheurs. Évidemment, ça lui tient à cœur. On pourrait même dire une institution, entre guillemets, libérale, selon les termes d'aujourd'hui, car d'après les plans de Lomonosov, l'Université de Moscou va être constituée au départ de trois facultés, philosophie, droit et médecine, et non faculté de théologie comme c'était le cas dans la plupart des universités à l'époque. Donc, université vraiment libérale pour l'époque. Mais à travers toutes ces curiosités, ces actions, ces écrits qu'il a menés finalement, quel est l'héritage de Lomonossov? Ben, c'est pas évident de cibler un domaine en particulier, des contributions qui viennent finalement de presque tous les domaines du savoir. On pourrait regrouper ça d'une part dans sciences naturelles et appliquées, puis d'autre part dans arts et littérature, peut-être. Même dans les dernières années de sa vie, Lomonossov va être très actif intellectuellement, comme en témoignent certains ouvrages publiés à l'époque, « Origine de la lumière et des couleurs » ou « Réflexion sur la solidité et la fluidité des corps » ou encore « Discussion sur la formation des icebergs dans les mers nordiques ». En fait, il va contribuer dans de nombreux domaines et le prolifique encyclopédiste va mourir en avril 1765. C'est plus l'impératrice Élisabeth qui est au pouvoir, mais maintenant Catherine II qui ne semble pas l'apprécier tout autant que celle qui la précédait. Elle va d'ailleurs faire confisquer tous les écrits de Lomonossov et faire détruire ceux qui sont les plus hostiles aux élites aristocratiques de l'époque. Et ce n'est que deux siècles plus tard, c'est-à-dire fin du 20e siècle, que son œuvre complète va être publiée, incluant de vibrants plaidoyers pour l'éducation libre et gratuite pour tous. Aujourd'hui, le nom de Lomonossov est associé entre autres à un astéroïde, un satellite russe d'observation astronomique, une médaille scientifique remise annuellement par l'Académie des sciences de Russie, une dorsale sous-marine dont on a parlé, un cratère sur la Lune, bref, quand même pas mal pour un fils de paysan-pêcheur. Ouais, exactement, c'est quand même impressionnant. Merci beaucoup, Frédéric. Pas de quoi. On va faire une petite pause publicité sur CKRL et au 89.1, et au retour, ce sera l'heure d'une courte revue de l'actualité scientifique.